Chapitre 20. Empreinte sur la neige. La journée du 4 juillet s'écoula au milieu d'un brouillard très épais. La route au nord ne put être maintenue qu'avec la plus grande difficulté. À chaque instant, il fallait la rectifier au compas. Aucun accident n'arriva heureusement pendant l'obscurité. Belle seulement perdit ses snowshoes qui se brisèrent contre une saillie de roc. « Ma foi, dit Johnson, je croyais qu'après avoir fréquenté la Mersey et la Tamise, on avait le droit de se montrer difficile en fait de brouillard, mais je vois que je me suis trompé. »« Eh bien, répondit Belle, nous devrions allumer des torches, comme à Londres ou à Liverpool. »« Pourquoi pas ? » répliqua le docteur. « C'est une idée, cela. On éclairerait peu la route, mais au moins on verrait le guide, et nous nous dirigerions plus directement. »« Mais, dit Belle, comment se procurer des torches ?» Avec de l'étoupe, imbibée d'esprit de vin, et fixée au bout de nos bâtons. « Bien trouvé, répondit Johnson, et ce ne sera pas long à établir. » Un quart d'heure après, la petite troupe reprenait sa marche au flambeau au milieu de l'humide obscurité. Mais si l'on alla plus droit, on n'alla pas plus vite, et ces ténébreuses vapeurs ne se dissipèrent pas avant le 6 juillet. La terre s'étant alors refroidie, un coup de vent du nord vint emporter tout ce brouillard comme les lambeaux d'une étoffe déchirée. Aussitôt, le docteur releva la position et constata que les voyageurs n'avaient pas fait dans cette brume une moyenne de 8 miles par jour. Le 6, on se hâta donc de regagner le temps perdu et l'on partit de bon matin. Altamont et Bell reprirent leur poste de marche à l'avant, sondant le terrain et éventant le gibier. Duke les accompagnait. Le temps, avec son étonnante mobilité, était redevenu très clair et très sec. Et bien que les guides fussent à 2 miles du traîneau, le docteur ne perdait pas de vue un seul de leurs mouvements. Il fut donc fort étonné de les voir s'arrêter tout d'un coup et demeurer dans une posture de stupéfaction. Ils semblaient regarder vivement au loin comme des gens qui interrogent l'horizon. Puis, se courbant vers le sol, ils l'examinaient avec attention et se relevaient surpris. Belle parut même vouloir se porter en avant, mais Altamont le retint de la main. « Ah ça, que font-ils donc ? » dit le docteur à Johnson. « Je les examine comme vous, monsieur Clawbonny, » répondit le vieux marin, « et je ne comprends rien à leurs gestes. »« Ils ont trouvé des traces d'animaux, » répondit Hatteras. « Cela ne peut être, » dit le docteur. « Pourquoi ? Parce que Duke aboierait. » « Ce sont pourtant bien des empreintes qu'ils observent. »« Marchons, » fit Hatteras, « nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. » Johnson excita les chiens d'attelage qui prirent une allure plus rapide. Au bout de 20 minutes, les 5 voyageurs étaient réunis, et Hatteras, le docteur, Johnson partageaient la surprise de Bell et d'Altamont. En effet, des traces d'hommes, visibles, incontestables et fraîches comme si elles eussent été faites la veille, se montraient éparses sur la neige. « Ce sont des Esquimaux, » dit Hatteras. « En effet, » répondit le docteur, « voilà les empreintes de leur raquette. »« Vous croyez ?» dit Altamont. « Cela est certain. »« Eh bien, et ce pas ?» reprit Altamont, en montrant une autre trace, plusieurs fois répétée. « Ce pas ? Prétendez-vous qu'il appartienne à un Esquimau ?» Le docteur regarda attentivement et fut stupéfait. La marque d'un soulier européen, avec ses clous, sa semelle et son talon, était profondément creusée dans la neige. Il n'y avait pas à en douter. Un homme, un étranger, avait passé là. « Des Européens, ici ?» s'écria Hatteras. « Évidemment, » fit Johnson. « Et cependant, » dit le docteur, « c'est tellement improbable qu'il faut y regarder à 2 fois avant de se prononcer. » Le docteur examina donc l'empreinte 2 fois, 3 fois, et il fut bien obligé de reconnaître son origine extraordinaire. Le héros de Daniel Defoe ne fut pas plus stupéfait en rencontrant la marque d'un pied creusé sur le sable de son île. Mais si ce qu'il éprouva fut de la crainte, ici ce fut du dépit pour Hatteras. Un Européen si près du pôle ! En marchant en avant pour reconnaître ses traces. Elles se répétaient pendant un quart de mile, mêlées à d'autres vestiges de raquettes et de mocassins. Puis elles s'infléchissaient vers l'ouest. Arrivés à ce point, les voyageurs se demandèrent s'il fallait les suivre plus longtemps. « Non, » répondit Hatteras, « allons. » Il fut interrompu par une exclamation du docteur qui venait de ramasser sur la neige un objet plus convaincant encore et sur l'origine duquel il n'y avait pas à se méprendre. C'était l'objectif d'une lunette de poche. « Cette fois, dit-il, on ne peut plus mettre en doute la présence d'un étranger sur cette terre. « En avant !» s'écria Terrasse. Et il prononça si énergiquement cette parole que chacun le suivit. Le traîneau reprit sa marche, un moment interrompu. Chacun surveillait l'horizon avec soin, sauf à Terrasse, qu'une sourde colère animait et qui ne voulait rien voir. Cependant, comme on risquait de tomber dans un détachement de voyageurs, il fallait prendre ses précautions. C'était véritablement jouer de malheur que de se voir précéder sur cette route inconnue. Le docteur, sans éprouver la colère d'Atterras, ne pouvait se défendre d'un certain dépit, malgré sa philosophie naturelle. Altamont paraissait également vexé. Johnson et Bell grommelaient entre leurs dents des paroles menaçantes. « Allons, dit enfin le docteur, faisons contre fortune bon cœur. « Il faut avouer, dit Johnson, sans être entendu d'Altamont, que si nous trouvions la place prise, ce serait à dégoûter de faire un voyage au pôle. « Et cependant, répondit Bell, il n'y a pas moyen de douter. « Non, répliqua le docteur, j'ai beau retourner l'aventure dans mon esprit, me dire que c'est improbable, impossible, il faut bien se rendre. Ce soulier ne s'est pas emprunt dans la neige sans avoir été au bout d'une jambe, et sans que cette jambe ait été attachée à un corps humain. Des Esquimaux, je le pardonnerais encore, mais un Européen... « Le fait est, répondit Johnson, que si nous allions trouver les lits retenus dans l'auberge du bout du monde, ce serait vexant. »« Particulièrement vexant, répondit Altamont. « Enfin, on verra, fit le docteur, et l'on se remit en marche. Cette journée s'accomplit sans qu'un fait nouveau vînt confirmer la présence d'étrangers sur cette partie de la Nouvelle-Amérique, et l'on prit enfin place au campement du soir. Un vent assez violent ayant sauté dans le nord, il avait fallu chercher pour la tente un abri sûr au fond d'un ravin. Le ciel était menaçant. Des nuages allongés sillonnaient l'air avec une grande rapidité. Ils rasaient le sol d'assez près et l'on avait de la peine à les suivre dans leur course échevelée. Parfois, quelques lambeaux de ces vapeurs traînaient jusqu'à terre et la tente ne se maintenait contre l'ouragan qu'avec la plus grande difficulté. « Une vilaine nuit qui se prépare, dit Johnson après le souper. Elle ne sera pas froide, mais bruyante, répondit le docteur. Prenons nos précautions et assurons la tente avec de grosses pierres. Vous avez raison, monsieur Claoboni. Si l'ouragan entraînait notre abri de toile, Dieu sait où nous pourrions le rattraper. Les précautions les plus minutieuses furent donc prises pour parer à ce danger, et les voyageurs, fatigués, essayèrent de dormir. Mais cela leur fut impossible. La tempête s'était déchaînée et se précipitait du sud au nord avec une incomparable violence. Les nuages s'éparpillaient dans l'espace comme la vapeur hors d'une chaudière qui vient de faire explosion. Les dernières avalanches, sous les coups de l'ouragan, tombaient dans les ravines, et les échos renvoyaient en échange leurs sourdes répercussions. L'atmosphère semblait être le théâtre d'un combat à outrance entre l'air et l'eau, deux éléments formidables dans leur colère, et le feu seul manquait à la bataille. L'oreille surexcitée percevait dans le grondement général des bruits particuliers, non pas le brouhaha qui accompagne la chute des corps pesants, mais bien le craquement clair des corps qui se brisent. On entendait distinctement des fracas nets et francs, comme ceux de l'acier qui se rompt au milieu des roulements allongés de la tempête. Ces derniers s'expliquaient naturellement par les avalanches tordues dans les tourbillons, mais le docteur ne savait à quoi attribuer les autres. Profitant de ces instants de silence anxieux, pendant lesquels l'ouragan semblait reprendre sa respiration pour souffler avec plus de violence, les voyageurs échangeaient leurs suppositions. « Il se produit là, disait le docteur, des chocs comme si des icebergs et des icefields se heurtaient. « Oui, répondait Altamont, on dirait que l'écorce terrestre se disloque tout entière. Tenez, entendez-vous ? Si nous étions près de la mer, reprenait le docteur, je croirais véritablement à une rupture des glaces. « En effet, répondit Johnson, ce bruit ne peut s'expliquer autrement. « Nous serions donc arrivés à la côte ? Dit Atterras. « Cela ne serait pas impossible, répondit le docteur. « Tenez, ajouta-t-il, après un craquement d'une violence extrême. « Ne dirait-on pas un écrasement de glaçons ? Nous pourrions bien être fort rapprochés de l'océan. S'il en est ainsi, reprit Hatteras, je n'hésiterai pas à me lancer au travers des champs de glace. Oh, fit le docteur, ils ne peuvent manquer d'être brisés après une tempête pareille. Nous verrons demain. Quoi qu'il en soit, s'il y a quelques troupes d'hommes à voyager par une nuit pareille, je la plains de tout mon cœur. L'ouragan dura pendant 10 heures, sans interruption, et aucun des hôtes de la tente ne put prendre un instant de sommeil. La nuit se passa dans une profonde inquiétude. En effet, en pareille circonstance, tout incident nouveau, une tempête, une avalanche, pouvait amener des retards graves. Le docteur aurait bien voulu aller au dehors reconnaître l'état des choses. Mais comment s'aventurer dans ces vents déchaînés ? Heureusement, l'ouragan s'apaisa dès les premières heures du jour. On put enfin quitter cette tente qui avait vaillamment résisté. Le docteur, Hatteras et Johnson se dirigèrent vers une colline haute de 300 pieds environ. Ils la gravirent assez facilement. Leurs regards s'étendirent alors sur un pays métamorphosé, fait de roches vives, d'arêtes aiguës et entièrement dépourvues de glace. C'était l'été succédant brusquement à l'hiver chassé par la tempête. La neige, rasée par l'ouragan comme une lame affilée, n'avait pas eu le temps de se résoudre en eau, et le sol apparaissait dans toute son âpreté primitive. Mais où les regards d'Hatteras se portèrent rapidement, ce fut vers le nord. L'horizon y paraissait baigné dans des vapeurs noirâtres. « Voilà qui pourrait bien être l'effet produit par l'océan, » dit le docteur. « Vous avez raison, » fit Hatteras, « la mer doit être là. » « Cette couleur est ce que nous appelons le blink de l'eau libre, » dit Johnson. « Précisément, » reprit le docteur. « Eh bien, au traîneau, » s'écria Hatteras, « et marchons à cet océan nouveau. » « Voilà qui vous réjouit le cœur, » dit Klaoboni au capitaine. « Oui, certes, » répondit celui-ci avec enthousiasme. « Avant peu, nous aurons atteint le pôle. Et vous, mon bon docteur, est-ce que cette perspective ne vous rend pas heureux ?»« Moi, je suis toujours heureux, et surtout du bonheur des autres. » Les trois Anglais revinrent à la ravine, et le traîneau préparé, on leva le campement. La route fut reprise. Chacun craignait de retrouver encore les traces de la veille. Mais, pendant le reste du chemin, pas un vestige de pas étrangers ou indigènes ne se montra sur le sol. 3 heures après, on arrivait à la côte. « la mer » dit-on d'une seule voix. « Et la mer libre !» s'écria le capitaine. Il était 10 heures du matin. En effet, l'ouragan avait fait place nette dans le bassin polaire. Les glaces, brisées et disloquées, s'en allaient dans toutes les directions. Les plus grosses, formant des icebergs, venaient de lever l'ancre, suivant l'expression des marins, et voguaient en pleine mer. Le champ avait subi un rude assaut de la part du vent. Une grêle de lames minces, de bavures et de poussières de glace était répandue sur des rochers environnants. Le peu qui restait de l'icefield, à l'arasement du rivage, paraissait pourri. Sur les rocs, où déferlait le flot, s'allongeaient de larges algues marines et des touffes d'un varech décoloré. L'océan s'étendait au-delà de la portée du regard, sans qu'aucune île, aucune terre nouvelle, vînt en limiter l'horizon. La côte formait dans l'est et dans l'ouest deux caps qui allaient se perdre en pente douce au milieu des vagues. La mer brisait à leur extrémité et une légère écume s'envolait par nappes blanches sur les ailes du vent. Le sol de la Nouvelle-Amérique venait ainsi mourir à l'océan polaire, sans convulsion, tranquille et légèrement incliné. Il s'arrondissait en baies très ouvertes et formait une rade foraine délimitée par les deux promontoires. Au centre, un saillant du roc faisait un petit port naturel abrité sur 3 points du compas. Il pénétrait dans les terres par le large lit d'un ruisseau, chemin ordinaire des neiges fondues après l'hiver et torrentueux en ce moment. Hatteras, après s'être rendu compte de la configuration de la côte, résolut de faire ce jour même les préparatifs du départ, de lancer la chaloupe à la mer, de démonter le traîneau et de l'embarquer pour les excursions à venir. Cela pouvait demander la fin de la journée. La tente fut donc dressée et après un repas réconfortant, les travaux commencèrent. Pendant ce temps, le docteur prit ses instruments pour aller faire son point et déterminer le relevé hydrographique d'une partie de la baie. Hatteras pressait le travail. Il avait hâte de partir. Il voulait avoir quitté la terre ferme et pris les devants, au cas où quelque détachement arriverait à la mer. À 5 heures du soir, Johnson et Bell n'avaient plus qu'à se croiser les bras. La chaloupe se balançait gracieusement dans le petit havre, son mât dressé, son foc à l'ébat et sa misaine sur les cargues. Les provisions et les parties démontées du traîneau y avaient été transportées. Il ne restait plus que la tente et quelques objets de campement à embarquer le lendemain. Le docteur, à son retour, trouva ses apprêts terminés. En voyant la chaloupe tranquillement abritée des vents, il lui vint à l'idée de donner un nom à ce petit port et proposa celui d'Altamonte. Cela ne fit aucune difficulté et chacun trouva la proposition parfaitement juste. En conséquence, le port fut appelé Altamonte Harbour. Suivant les calculs du docteur, il se trouvait situé par 87 degrés 5 minutes de latitude et 118 degrés 35 minutes de longitude à l'orient de Greenwich, c'est-à-dire à moins de 3 degrés du pôle. Les voyageurs avaient franchi une distance de 200 miles depuis la baie Victoria jusqu'au port Altamonte. Chapitre 21. La mer libre. Le lendemain matin, Johnson et Bell procédèrent à l'embarquement des effets de campement. À 8 heures, les préparatifs de départ étaient terminés. Au moment de quitter cette côte, le docteur se prit à songer aux voyageurs dont on avait rencontré les traces, incident qui ne laissait pas de le préoccuper. Ces hommes voulaient-ils gagner le nord? Avaient-ils à leur disposition quelques moyens de franchir l'océan polaire? Allait-on encore les rencontrer sur cette route nouvelle? Aucun vestige n'avait depuis 3 jours décelé la présence de ces voyageurs, et certainement, quels qu'ils fussent, ils ne devaient point avoir atteint Altamonte Harbour. C'était un lieu encore vierge de tout pas humain. Cependant, le docteur, poursuivi par ses pensées, voulut jeter un dernier coup d'œil sur le pays, et il gravit une éminence haute d'une centaine de pieds au plus. De là, son regard pouvait parcourir tout l'horizon du sud. Arrivé au sommet, il porta sa lunette à ses yeux. Quelle fut sa surprise de ne rien apercevoir, non pas au loin dans les plaines, mais à quelques pas de lui. Cela lui parut fort singulier. Il examina de nouveau, et enfin il regarda sa lunette. L'objectif manquait. L'objectif ! S'écria-t-il. On comprend la révélation subite qui se faisait dans son esprit. Il poussa un cri assez fort pour que ses compagnons l'entendissent et leur anxiété fut grande en le voyant descendre la colline à toutes jambes. « Bon, qu'y a-t-il encore ?» demanda Johnson. Le docteur essoufflé ne pouvait prononcer une parole. Enfin, il fit entendre ces mots. « Les traces, les pas, le détachement !»« Eh bien, quoi ?» fit Hatteras. « Des étrangers ici ?»« Non, non !» reprenait le docteur. « L'objectif, mon objectif, à moi !» Et il montrait son instrument incomplet. « Ah ! » s'écria l'Américain. « Vous avez perdu ?»« Oui ! » !»« Mais alors, ces traces, les nôtres, mes amis, les nôtres !» s'écria le docteur. « Nous nous sommes égarés dans le brouillard. Nous avons tourné en cercle et nous sommes retombés sur nos pas. »« Mais cette empreinte de souliers, » dit Hatteras, « les souliers de Bell lui-même, qui, après avoir cassé ses snowshoes, a marché toute une journée dans la neige. »« C'est parfaitement vrai, » dit Bell. Et l'erreur fut si évidente que chacun partit d'un éclat de rire, sauf Hatteras, qui n'était cependant pas le moins heureux de cette découverte. « Avons-nous été assez ridicules ?» reprit le docteur, quand l'hilarité fut calmée. « Les bonnes suppositions que nous avons faites. Des étrangers sur cette côte. Allons donc. Décidément, il faut réfléchir ici avant de parler. Enfin, puisque nous voilà tirés d'inquiétude à cet égard, il ne nous reste plus qu'à partir. En route !» dit Hatteras. Un quart d'heure après, chacun avait pris place à bord de la chaloupe, qui, sa misaine déployée et son foc hissé, déborda rapidement d'Altamonte Harbour. Cette traversée maritime commençait le mercredi 10 juillet. Les navigateurs se trouvaient à une distance très rapprochée du pôle, exactement 175 miles. Pour peu qu'une terre fût située à ce point du globe, la navigation par mer devait être très courte. Le vent était faible, mais favorable. Le thermomètre marquait 50 degrés au-dessus de zéro, plus 10 degrés centigrades. Il faisait réellement chaud. La chaloupe n'avait pas souffert du voyage sur le traîneau. Elle était en parfait état et se manœuvrait facilement. Johnson tenait la barre, Le docteur, Bell et l'Américain s'étaient accotés de leur mieux parmi les effets de voyage, disposés partie sur le pont, partie au-dessous. Atterras, placé à l'avant, fixait du regard ce point mystérieux vers lequel il se sentait attiré avec une insurmontable puissance, comme l'aiguille aimantée au pôle magnétique. Si quelque rivage se présentait, il voulait être le premier à le reconnaître. Cet honneur lui appartenait réellement. Il remarquait d'ailleurs que la surface de l'océan polaire était faite de lames courtes, telles que les mers encaissées en produisent. Il voyait là l'indice d'une terre prochaine, et le docteur partageait son opinion à cet égard. Il est facile de comprendre pourquoi Atterras désirait si vivement rencontrer un continent au pôle Nord. Quel désappointement il eût éprouvé à voir la mer incertaine, insaisissable, s'étendre là où une portion de terre, si petite qu'elle fût, était nécessaire à ses projets. En effet, comment nominer d'un nom spécial un espace d'océan indéterminé? Comment planter en plein flot le pavillon de son pays? Comment prendre possession au nom de sa gracieuse majesté d'une partie de l'élément liquide? Aussi, l'œil fixe, Atterras sa boussole à la main, dévorait le nord de ses regards. Rien d'ailleurs ne limitait l'étendue du bassin polaire jusqu'à la ligne de l'horizon. Il s'en allait au loin se confondre avec le ciel pur de ces zones. Quelques montagnes de glace, fuyant au large, semblaient laisser passage à ces hardis navigateurs. L'aspect de cette région offrait de singuliers caractères d'étrangeté. Cette impression tenait-elle à la disposition d'esprit de voyageurs très émus et supranerveux? Il est difficile de se prononcer. Cependant, le docteur, dans ses notes quotidiennes, a dépeint cette physionomie bizarre de l'océan. Il en parle comme en parlait Penny, suivant lequel ces contrées présentent un aspect offrant le contraste le plus frappant d'une mer animée par des millions de créatures vivantes. La plaine liquide colorée des nuances les plus vagues de l'outre-mer se montrait étrangement transparente et douée d'un incroyable pouvoir dispersif, comme si elle eût été faite de carbure de soufre. Cette diaphanéité permettait de la fouiller du regard jusqu'à des profondeurs incommensurables. Il semblait que le bassin polaire fût éclairé par-dessous à la façon d'un immense aquarium. Quelques phénomènes électriques produits au fond des mers en illuminaient sans doute les couches les plus reculées. Aussi la chaloupe semblait suspendue sur un abîme sans fond. À la surface de ces eaux étonnantes, les oiseaux volaient en bandes innombrables, pareils à des nuages épais et gros de tempête. Oiseaux de passage, oiseaux de rivage, oiseaux rameurs, ils offraient dans leur ensemble tous les spécimens de la grande famille aquatique, depuis l'albatros, si commun aux contrées australes, jusqu'aux pingouins des mers arctiques, mais avec des proportions gigantesques. Leurs cris produisaient un assourdissement continuel. À les considérer, le docteur perdait sa science de naturaliste. Les noms de ces espèces prodigieuses lui échappaient et il se surprenait à courber la tête quand leurs ailes battaient l'air avec une indescriptible puissance. Quelques-uns de ces monstres aériens déployaient jusqu'à 20 pieds d'envergure. Ils couvraient entièrement la chaloupe sous leur vol, et il y avait là par légion de ces oiseaux dont la nomenclature ne parut jamais dans l'Index Ornithologus de Londres. Le docteur était abasourdi et en somme stupéfait de trouver sa science en défaut. Puis, lorsque son regard, quittant les merveilles du ciel, glissait à la surface de cet océan paisible, il rencontrait des productions non moins étonnantes du règne animal, et entre autres des méduses, dont la largeur atteignait jusqu'à 30 pieds. Elles servaient à la nourriture générale de la gente aérienne et flottaient comme de véritables îlots au milieu d'algues et de varechs gigantesques. Quel sujet d'étonnement! Quelle différence avec ces autres méduses microscopiques observées par Scoresby dans les mers du Groenland, et dont ce navigateur évalua le nombre à 23 trilliards 888 milliards de milliards dans un espace de 2 miles carrés. Enfin, lorsqu'au-delà de la superficie liquide, le regard plongeait dans les eaux transparentes, le spectacle n'était pas moins surnaturel de cet élément sillonné par des milliers de poissons de toutes les espèces. Tantôt, ces animaux s'enfonçaient rapidement au plus profond de la masse liquide et l'œil les voyait diminuer peu à peu, décroître, s'effacer à la façon des spectres fantasmagoriques. Tantôt, quittant les profondeurs de l'océan, ils remontaient en grandissant à la surface des flots. Les monstres marins ne paraissaient aucunement effrayés de la présence de la chaloupe. Ils la caressaient au passage de leurs nageoires énormes. Là où des baleiniers de profession se fussent à bon droit épouvantés, les navigateurs n'avaient pas même la conscience d'un danger couru. Et cependant, quelques-uns de ces habitants de la mer atteignaient à de formidables proportions. Les jeunes veaux marins se jouaient entre eux. Le narwal, fantastique comme la licorne, armé de sa défense longue, étroite et conique, outil merveilleux qui lui sert à scier les champs de glace, poursuivait les cétacés plus craintifs. Des baleines innombrables, chassant par leurs évents des colonnes d'eau et de mucilage, remplissaient l'air d'un sifflement particulier. Le Northcapper, à la queue déliée, aux larges nageoires caudales, fendait la vague avec une incommensurable vitesse, se nourrissant dans sa course d'animaux rapides comme lui, de gades ou de scombres, tandis que la baleine blanche, plus paresseuse, engloutissait paisiblement des mollusques tranquilles et indolents comme elle. Plus au fond, des balinoptères, au museau pointu, des anarnaques groenlandais, allongés et noirâtres, les cachalots géants, espèces répandues au sein de toutes les mers, nageaient au milieu des bancs d'ambre gris où se livraient des batailles homériques qui rougissaient l'océan sur une surface de plusieurs miles. Les physales cylindriques, le gros tegusic du Labrador, les dauphins à dorsales en lames de sabre, toute la famille des phoques et des morses, les chiens, les chevaux, les ours marins, les lions, les éléphants de mer, semblaient paître les humides pâturages de l'océan. Et le docteur admirait ces animaux innombrables aussi facilement qu'il eût fait des crustacés et des poissons à travers les bassins de cristal du Zoological Garden. Quelle beauté, quelle variété, quelle puissance dans la nature! Comme tout paraissait étrange et prodigieux au sein de ces régions circumpolaires. L'atmosphère acquérait une surnaturelle pureté. On l'eût dite surchargée d'oxygène. Les navigateurs aspiraient avec délice cet air qui leur versait une vie plus ardente. Sans se rendre compte de ce résultat, ils étaient en proie à une véritable combustion, dont on ne peut donner une idée, même affaiblie. Leurs fonctions passionnelles, digestives, respiratoires, s'accomplissaient avec une énergie surhumaine. Les idées surexcitées dans leur cerveau se développaient jusqu'au grandiose. En une heure, ils vivaient la vie d'un jour entier. Au milieu de ces étonnements et de ces merveilles, la chaloupe voguait paisiblement au souffle d'un vent modéré que les grands albatros activaient parfois de leurs vastes ailes. Vers le soir, Hatteras et ses compagnons perdirent de vue la côte de la Nouvelle-Amérique. Les heures de la nuit sonnaient pour les zones tempérées comme pour les zones équinoxiales. Mais ici, le soleil, élargissant ses spirales, traçait un cercle rigoureusement parallèle à celui de l'océan. La chaloupe, baignée dans ses rayons obliques, ne pouvait quitter ce centre lumineux qui se déplaçait avec elle. Les êtres animés des régions hyperboréennes sentirent pourtant venir le soir comme si l'astre radieux se fût dérobé derrière l'horizon. Les oiseaux, les poissons, les cétacés disparurent, ou, au plus profond du ciel, au plus profond de la mer, qui l'eût pu dire? Mais à leurs cris, à leurs sifflements, au frémissement des vagues agitées par la respiration des monstres marins, succéda bientôt la silencieuse immobilité. Les flots s'endormirent dans une insensible ondulation et la nuit reprit sa paisible influence sous les regards étincelants du soleil. Depuis le départ d'Altamont Harbour, la chaloupe avait gagné un degré dans le nord. Le lendemain, rien ne paraissait encore à l'horizon, ni ces hauts pics qui signalent de loin les terres, ni ces signes particuliers auxquels un marin pressent l'approche des îles ou des continents. Le vent tenait bon, sans être fort. La mer était un peu houleuse. Le cortège des oiseaux et des poissons revint aussi nombreux que la veille. Le docteur, penché sur ses flots, put voir les cétacés quitter leur profonde retraite et monter peu à peu à la surface de la mer. Quelques icebergs et çà et là des glaçons épars rompaient seuls l'immense monotonie de l'océan. Mais, en somme, les glaces étaient rares et elles n'auraient pu gêner la marche d'un navire. Il faut remarquer que la chaloupe se trouvait alors à 10 degrés au-dessus du pôle du froid, et au point de vue des parallèles de température, c'est comme si elle eût été à 10 degrés au-dessous. Rien d'étonnant dès lors que la mer fût libre à cette époque, comme elle le devait être par le travers de la baie de Disco, dans la mer de Baffin. Ainsi donc, un bâtiment aurait eu là ses coudées franches pendant les mois d'été. Cette observation a une grande importance pratique. En effet, si jamais les baleiniers peuvent s'élever dans le bassin polaire, soit par les mers du nord de l'Amérique, soit par les mers du nord de l'Asie, ils sont assurés d'y faire rapidement leur cargaison, car cette partie de l'océan paraît être le vivier universel, le réservoir général des baleines, des phoques et de tous les animaux marins. À midi, la ligne d'eau se confondait encore avec la ligne du ciel. Le docteur commençait à douter de l'existence d'un continent sous ces latitudes élevées. Cependant, en réfléchissant, il était forcément conduit à croire à l'existence d'un continent boréal. En effet, au premier jour du monde, après le refroidissement de la croûte terrestre, les eaux formées par la condensation des vapeurs atmosphériques durent obéir à la force centrifuge, s'élancer vers les zones équatoriales et abandonner les extrémités immobiles du globe. De là, l'émersion nécessaire des contrées voisines du pôle. Le docteur trouvait ce raisonnement fort juste. Il semblait tel à Hatteras. Aussi, les regards du capitaine essayaient de percer les brumes de l'horizon. Sa lunette ne quittait pas ses yeux. Il cherchait dans la couleur des eaux, dans la forme des vagues, dans le souffle du vent, les indices d'une terre prochaine. Son front se penchait en avant, et qui n'eût pas connu ses pensées l'eût admiré. Cependant, tant il y avait dans son attitude d'énergiques désirs et d'anxieuses interrogations. Chapitre 22. Les approches du pôle. Le temps s'écoulait au milieu de cette incertitude. Rien ne se montrait à cette circonférence si nettement arrêté. Pas un point qui ne fût ciel ou mer, pas même à la surface des flots un brin de ces herbes terrestres qui firent tressaillir le cœur de Christophe Colomb marchant à la découverte de l'Amérique. Hatteras regardait toujours. Enfin, vers 6 heures du soir, une vapeur de forme indécise, mais sensiblement élevée, apparut au-dessus du niveau de la mer. On eût dit un panache de fumée. Le ciel était parfaitement pur. Donc, cette vapeur ne pouvait s'expliquer par un nuage. Elle disparaissait par instants et reparaissait comme agitée. Hatteras fut le premier à observer ce phénomène. Ce point indécis, cette vapeur inexplicable, il l'encadra dans le champ de sa lunette et pendant une heure encore, il l'examina sans relâche. Tout à coup, quelque indice, certain apparemment, lui vint au regard, car il étendit le bras vers l'horizon et d'une voix éclatante, il s'écria « Terre ! Terre !» À ces mots, chacun se leva comme mû par une commotion électrique. Une sorte de fumée s'élevait sensiblement au-dessus de la mer. « je vois !» s'écria le docteur. « Oui, certes, oui !» fit Johnson. « C'est un nuage !» dit Altamont. « Terre ! Terre !» répondit Hatteras avec une inébranlable conviction. Les 5 navigateurs examinèrent encore avec la plus grande attention. Mais comme il arrive souvent aux objets que leur éloignement rend indécis, le point observé semblait avoir disparu. Enfin, les regards le saisirent de nouveau, et le docteur crut même surprendre une lueur rapide à 20 ou 25 miles dans le nord. « C'est un volcan » s'écria-t-il. « Un volcan ?» fit Altamont. « Sans doute, sous une latitude si élevée. Et pourquoi pas ?» reprit le docteur. « L'Islande n'est-elle pas une terre volcanique, et pour ainsi dire faite de volcans ?» « Oui, l'Islande, reprit l'Américain, mais si près du pôle. Eh bien, notre illustre compatriote, le commodore James Ross, n'a-t-il pas constaté, sur le continent austral, l'existence de l'Erebus et du Terror, deux monts ignivomes en pleine activité, par 170 degrés de longitude et 78 degrés de latitude? Pourquoi donc des volcans n'existeraient-ils pas au pôle Nord ?»« Cela est possible, en effet, répondit Altamont. « Ah ! S'écria le docteur, je le vois distinctement, c'est un volcan. »« Eh bien, fit Hatteras, courons droit dessus. »« Le vent commence à venir debout, dit Johnson. Bordez la misaine et au plus près. » Mais cette manœuvre eut pour résultat d'éloigner la chaloupe du point observé, et les plus attentifs regards ne purent le reprendre. Cependant, on ne pouvait plus douter de la proximité de la côte. C'était donc là le but du voyage entrevu, sinon atteint, et 24 heures ne se passeraient pas sans doute sans que ce nouveau sol fût foulé par un pied humain. La Providence, après leur avoir permis de s'en approcher de si près, ne voudrait pas empêcher ces audacieux marins d'y atterrir. Cependant, dans les circonstances actuelles, personne ne manifesta la joie qu'une semblable découverte devait produire. Chacun se renfermait en lui-même et se demandait ce que pouvait être cette terre du pôle. Les animaux semblaient la fuir. À l'heure du soir, les oiseaux, au lieu d'y chercher un refuge, s'envolaient dans le sud à tire-d'aile. Était-elle donc si inhospitalière qu'une mouette ou un ptarmigan n'y pût s'y trouver asile ? Les poissons eux-mêmes, les grands cétacés, fuyaient rapidement cette côte à travers les eaux transparentes. D'où venait ce sentiment de répulsion, sinon de terreur, commun à tous les êtres animés qui hantaient cette partie du globe ? Les navigateurs avaient subi l'impression générale. Ils se laissaient aller au sentiment de leur situation, et peu à peu, chacun d'eux sentit le sommeil alourdir ses paupières. Le quart revenait à Hatteras. Il prit la barre, le docteur, Altamont, Johnson et Bell, étendus sur les bancs, s'endormirent l'un après l'autre, et bientôt ils furent plongés dans le monde des rêves. Hatteras essaya de résister au sommeil. Il ne voulait rien perdre de ce temps précieux. Mais le mouvement lent de la chaloupe le berçait, insensiblement, et il tomba malgré lui dans une irrésistible somnolence. Cependant, l'embarcation marchait à peine. Le vent ne parvenait pas à gonfler sa voile détendue. Au loin, quelques glaçons immobiles dans l'ouest réfléchissaient les rayons lumineux et formaient des plaques incandescentes en plein océan. Hatteras se prit à rêver. Sa pensée rapide erra sur toute son existence. Il remonta le cours de sa vie avec cette vitesse particulière aux songes qu'aucun savant n'a encore pu calculer. Il fit un retour sur ses jours écoulés, il revit son hivernage, la baie Victoria, le fort Providence, la maison du docteur, la rencontre de l'Américain sous les glaces. Alors, il retourna plus loin dans le passé. Il rêva de son navire, du forward incendié, de ses compagnons, des traîtres qu'il avait abandonnés. Qu'était-il devenu ? Il pensa à Shandon, Howell, au brutal Penn. Où était-il ? Avait-il pu gagner la mer de Baffin à travers les glaces ? Puis, son imagination de rêveur plana plus haut encore, et il se retrouva à son départ d'Angleterre, à ses voyages précédents, à ses tentatives avortées, à ses malheurs. Alors il oublia sa situation présente, sa réussite prochaine, ses espérances à demi réalisées. De la joie, son rêve le rejeta dans les angoisses. Pendant 2 heures, ce fut ainsi. Puis sa pensée reprit à nouveau cours, elle le ramena vers le pôle. Il se vit posant enfin le pied sur ce continent anglais et déployant le pavillon du Royaume-Uni. Tandis qu'il sommeillait ainsi, un nuage énorme de couleur olivâtre montait sur l'horizon et assombrissait l'océan. On ne peut se figurer avec quelle foudroyante rapidité les ouragans envahissent les mers arctiques. Les vapeurs engendrées dans les contrées équatoriales viennent se condenser au-dessus des immenses glaciers du Nord et appellent avec une irrésistible violence des masses d'air pour les remplacer. C'est ce qui peut expliquer l'énergie des tempêtes boréales. Au premier choc du vent, le capitaine et ses compagnons s'étaient arrachés à leur sommeil, prêts à manœuvrer. La mer se soulevait en lames hautes, à basses peu développées. La chaloupe, ballottée par une violente houle, plongeait dans des gouffres profonds ou oscillait sur la pointe d'une vague aiguë en s'inclinant sous des angles de plus de 45 degrés. Hatteras avait repris d'une main ferme la barre qui jouait avec bruit dans la tête du gouvernail. Quelquefois, cette barre, violemment prise dans une embardée, le repoussait et le courbait malgré lui. Johnson et Bell s'occupaient sans relâche à vider l'eau embarquée dans les plongeons de la chaloupe. « Voilà une tempête sur laquelle nous ne comptions guère, » dit Altamont en se cramponnant à son banc. « Il faut s'attendre à tout ici, » répondit le docteur. Ces paroles s'échangeaient au milieu des sifflements de l'air et du fracas des flots, que la violence du vent réduisait à une impalpable poussière liquide. Il devenait presque impossible de s'entendre. Le nord était difficile à tenir. Les embruns épais ne laissaient pas entrevoir la mer au-delà de quelques toises. Tout point de repère avait disparu. Cette tempête subite, au moment où le but allait être atteint, semblait renfermer de sévères avertissements. Elle apparaissait à des esprits surexcités comme une défense d'aller plus loin. La nature voulait-elle donc interdire l'accès du pôle ? Ce point du globe était-il entouré d'une fortification d'ouragans et d'orages qui ne permettait pas d'en approcher ? Cependant, à voir la figure énergique de ces hommes, on eût compris qu'ils ne céderaient ni au vent ni au flot, et qu'ils iraient jusqu'au bout. Ils luttèrent ainsi pendant toute la journée, bravant la mort à chaque instant, ne gagnant rien dans le nord, mais ne perdant pas, trempés sous une pluie tiède et mouillés par les paquets de mer que la tempête leur jetait au visage. Au sifflement de l'air se mêlaient parfois de sinistres cris d'oiseaux. Mais, au milieu même d'une recrudescence du courroux des flots, vers 6 heures du soir, il se fit une accalmie subite. Le vent se tut, miraculeusement. La mer se montra calme et unie, comme si la houle ne l'eût pas soulevée pendant 12 heures. L'ouragan semblait avoir respecté cette partie de l'océan polaire. Que se passait-il donc ? Un phénomène extraordinaire, inexplicable, dont le capitaine Sabine fut témoin pendant ses voyages aux mers groenlandaises. Le brouillard, sans se lever, s'était fait étrangement lumineux. La chaloupe naviguait dans une zone de lumière électrique, un immense feu Saint-Elme resplendissant, mais sans chaleur. Le mât, la voile, les agrès se dessinaient en noir sur le fond phosphorescent du ciel avec une incomparable netteté. Les navigateurs demeuraient plongés dans un bain de rayons transparents et leurs figures se coloraient de reflets enflammés. La calmie soudaine de cette portion de l'océan provenait sans doute du mouvement ascendant des colonnes d'air, tandis que la tempête, appartenant au genre des cyclones, tournait avec rapidité autour de ce centre paisible. Mais cette atmosphère en feu fit venir une pensée à l'esprit d'Hatteras. « Le volcan ! » s'écria-t-il. « Est-ce possible ? » fit Bell. « Non, non, » répondit le docteur, « nous serions étouffés si ces flammes s'étendaient jusqu'à nous. »« C'est peut-être son reflet dans le brouillard, » fit Altamont. « Pas davantage, il faudrait admettre que nous fussions près de terre, et dans ce cas, nous entendrions les fracas de l'éruption. »« Mais alors ?» demanda le capitaine. « C'est un phénomène cosmique, » répondit le docteur, « phénomène peu observé jusqu'ici. Si nous continuons notre route, nous ne tarderons pas à sortir de cette sphère lumineuse pour retrouver l'obscurité et la tempête. « Quoi qu'il en soit, en avant !» répondit Hatteras. « En avant !» s'écrièrent ses compagnons, qui ne songèrent même pas à reprendre haleine dans ce bassin tranquille. La voile, avec ses plis de feu, pendait le long du mât étincelant. Les avirons plongèrent dans les vagues ardentes et parurent soulever des flots d'étincelles faites de gouttes d'eau vivement éclairées. Hatteras, la boussole à la main, reprit la route du nord. Peu à peu, le brouillard perdit de sa lumière, puis de sa transparence. Le vent fit entendre ses rugissements à quelques toises, et bientôt la chaloupe, se couchant sous une violente rafale, rentra dans la zone des tempêtes. Mais l'ouragan avait heureusement tourné d'un point vers le sud, et l'embarcation put courir vent arrière, allant droit au pôle, risquant de sombrer, mais se précipitant avec une vitesse insensée. L'écueil, rocher ou glaçon, pouvait surgir à chaque instant des flots, et elle s'y fut infailliblement mise en pièces. Cependant, pas un de ces hommes n'élevait une objection. Pas un ne faisait entendre la voix de la prudence. Ils étaient pris de la folie du danger. La soif de l'inconnu les envahissait. Ils allaient ainsi, non pas aveugles, mais aveuglés, trouvant l'effroyable rapidité de cette course trop faible au gré de leur impatience. Hatteras maintenait sa barre dans son imperturbable direction au milieu des vagues écumant sous le fouet de la tempête. Cependant, l'approche de la côte se faisait sentir, il y avait dans l'air des symptômes étranges. Tout à coup, le brouillard se fendit comme un rideau déchiré par le vent, et pendant un laps de temps rapide comme l'éclair, on put voir à l'horizon un immense panache de flammes se dresser vers le ciel. « Le volcan ! Le volcan !» Ce fut le mot qui s'échappa de toutes les bouches. Mais la fantastique vision avait disparu. Le vent, sautant dans le sud-est, prit l'embarcation par le travers et l'obligea de fuir encore cette terre inabordable. « Malédiction ! » fit Hatteras en bordant sa misaine. « Nous n'étions pas à 3 miles de la côte. » Hatteras ne pouvait résister à la violence de la tempête. Mais sans lui céder, il biaisa dans le vent, qui se déchaînait avec un emportement indescriptible, Par instant, la chaloupe se renversait sur le côté à faire craindre que sa quille n'émergeât tout entière. Cependant, elle finissait par se relever sous l'action du gouvernail, comme un coursier dont les jarrets fléchissent et que son cavalier relève de la bride et de l'éperon. Atéras, échevelé, la main soudée à sa barre, semblait être l'âme de cette barque et ne faire qu'un avec elle, ainsi que l'homme et le cheval au temps des centaures. Soudain, un spectacle épouvantable s'offrit à ses regards. À moins de 10 toises, un glaçon se balançait sur la scie mouleuse des vagues. Il descendait et montait comme la chaloupe. Il la menaçait de sa chute et l'eût écrasée à la toucher seulement. Mais, avec ce danger d'être précipité dans l'abîme, s'en présentait un autre non moins terrible, car ce glaçon, courant à l'aventure, était chargé d'ours blancs, serrés les uns contre les autres et fous de terreur. « Des ours ! Des ours !» s'écria Belle d'une voix étranglée. Et chacun, terrifié, vit ce qu'il voyait. Le glaçon faisait d'effrayantes embardées. Quelquefois, il s'inclinait sous des angles si aigus que les animaux roulaient pêle-mêle les uns sur les autres. Alors, il poussait des grognements qui luttaient avec les fracas de la tempête. Et un formidable concert s'échappait de cette ménagerie flottante. Que ce radeau de glace vint à culbuter, et les ours, se précipitant vers l'embarcation, en eussent tenté l'abordage. Pendant un quart d'heure, long comme un siècle, la chaloupe et le glaçon naviguèrent de conserve, tantôt écartés de 20 toises, tantôt prêts à se heurter. Parfois, l'un dominait l'autre, et les monstres n'avaient qu'à se laisser choir, les chiens groenlandais tremblaient d'épouvante, Duke restait immobile. Atéras et ses compagnons étaient muets. Il ne leur venait pas même à l'idée de mettre la barre dessous pour s'écarter de ce redoutable voisinage. Et ils se maintenaient dans leur route avec une inflexible rigueur. Un sentiment vague, qui tenait plus de l'étonnement que de la terreur, s'emparait de leur cerveau. Ils admiraient, et ce terrifiant spectacle complétait la lutte des éléments. Enfin, le glaçon s'éloigna peu à peu, poussé par le vent auquel résistait la chaloupe avec sa misaine bordée à plat. Il disparut au milieu du brouillard, signalant de temps en temps sa présence par les grognements éloignés de son monstrueux équipage. En ce moment, il y eut redoublement de la tempête. Ce fut un déchaînement sans nom des ondes atmosphériques. L'embarcation, soulevée hors des flots, se prit à tournoyer avec une vitesse vertigineuse. Sa misaine arrachée s'enfuit dans l'ombre comme un grand oiseau blanc. Un trou circulaire, un nouveau maelstrom, se forma dans le remous des vagues. Les navigateurs, enlacés dans ce tourbillon, coururent avec une rapidité telle que ces lignes d'eau leur semblaient immobiles, malgré leur incalculable rapidité. Ils s'enfonçaient peu à peu. Au fond du gouffre, une aspiration puissante, une succion irrésistible se faisait qui les attirait et les engloutissait vivants. Ils s'étaient levés tous les 5, ils regardaient d'un regard effaré, le vertige les prenait, ils avaient en eux ce sentiment indéfinissable de l'abîme. Mais tout d'un coup, la chaloupe se releva perpendiculairement, son avant domina les lignes du tourbillon, la vitesse dont elle était douée la projeta hors du centre d'attraction, et s'échappant par la tangente de cette circonférence qui faisait plus de 1000 tours à la seconde, elle fut lancée au dehors avec la vitesse d'un boulet de canon. Altamont, le docteur, Johnson, Bell furent renversés sur leur banc. Quand ils se relevèrent, Atéras avait disparu. Il était 2 heures du matin.